Chapitre 7e. À quoi sert de te tourner le sang ? S'écria Madame Sénéchal en apprenant la déconvenue de son mari. Tu quittes cette bicoque un peu plus tôt que tu ne l'aurais voulu, et voilà tout. Patience, nous serons riches à notre tour, et nous ferons la nique à ce pingre de notaire. D'ici là, n'avons-nous pas nos vignes, qui n'ont pas gelé cette année, qui donneront de belles dotées de raisins en octobre ? Bah, c'est un petit malheur, il n'y a pas de quoi se mettre la tablature en tête. Mais M. Sénéchal ne voulait pas se laisser consoler. Cette retraite forcée lui avait porté un rude coup, et il en fut sérieusement malade toute une semaine. Peu habitué au désœuvrement, il errait tristement par la maison, tournait autour de sa femme, tâtonnait à la cuisine. Après les repas, il restait affaissé dans son fauteuil, le front rembruni, les bras pendants, et finissait par succomber à de lourdes somnolences qui inquiétaient Angèle. Malgré son étourderie, la jeune fille avait, plus que sa mère, pris au sérieux les ennuis de M. Sénéchal. Elle aimait son père et s'ingéniait à lui adoucir l'amertume des regrets. Elle le forçait à faire de longues promenades au sommet des coteaux verdoyants qui couronnent la ville. « Allons, petit père, disait-elle, dérigue-toi. Est-ce que cette bonne odeur de printemps ne te remet pas un peu de joie au cœur ?» Hélas, la vue des cèpes bourgeonnants ne remettait au cœur de M. Sénéchal que le souvenir de sa mésaventure et la crainte d'être forcé de vendre à vil prix sa meilleure vigne pour trouver les 400 francs promis à la Genevraie. « Non, non, répondait-il, le printemps aura beau faire, il ne me ragaillardera plus. Vois-tu, fillette, ce qui me désole, c'est d'avoir exposé bêtement mon petit patrimoine et compromis ton établissement. » Au retour de l'une de ses promenades, Angèle alla sur la pointe du pied surprendre Joseph Toussaint qui lisait dans sa mansarde. « Monsieur Joseph, commença-t-elle à mi-voix, voulez-vous me rendre un service ?»« De tout mon cœur, répondit le jeune homme, dont la figure s'épanouit. « Pas être forcé de vendre une de nos vignes pour payer sa part dans les frais de la succession. Et cette idée-là lui fend l'âme. Alors j'ai songé à l'argent de ma tirelire. Il y a dedans pour sûr plus de 400 francs, et je me repentirai toute ma vie de garder cet argent, tandis que mon père se saignerait pour remplir ses engagements. Vous êtes une bonne fille, s'écria tous avec effusion. Seulement il ne faut pas qu'il sache que la somme vient de moi, et j'ai pensé à vous, monsieur Toussaint. Vous la lui offrirez en votre nom, n'est-ce pas? Il vous aime et acceptera volontiers d'être votre obligé. Vous êtes une bonne fille, répéta Joseph avec conviction. Mais, ajouta-t-il d'un ton qu'il essayait de rendre malicieux, cela ne vous n'invente-t-il pas de renoncer ainsi au voyage de Paris? La jeune fille soupira bien fort, et il ne fallait pas être un profond observateur pour voir que ce renoncement était pour elle un gros sacrifice. Plus de spectacle, poursuit Toussaint avec une persistance agaçante. Il faudra vous résigner à ne voir qu'en rêve ces fameux théâtres pour lesquels vous aviez amassé les trésors de la tirelire. À quoi bon me parler de tout cela? Interrompit Angèle impatientée. C'est mal à vous de me donner des regrets. Voulez-vous, oui ou non, me rendre ce petit service? Elle avait les larmes aux yeux. Joseph se fit volontiers jeter à ses pieds. Oui, répondit-il après un silence, mais à la condition que vous laisserez la tirelire dans votre tiroir. Ce serait dommage de l'ouvrir avant le terme fixé. Je ne comprends plus, murmura Angèle. Eh bien voici. Je ne suis pas tout à fait pauvre, j'ai une petite rente de 1200 francs, et je viens justement d'en toucher un quartier. C'est de l'argent qui dort et dont je n'ai pas besoin. Laissez-moi le donner à M. Sénéchal. De cette façon, je ne serai pas obligé de mentir et cela me mettra plus à l'aise. Oh ! S'écria-t-elle confuse. Non, je ne puis accepter un pareil sacrifice. Laissez donc, il n'y a pas de sacrifice. L'argent est pour moi comme de la paille et je n'y tiens guère. Angèle secouait toujours la tête. Il s'avança vers elle et lui tendant les deux mains. Vrai, je vous assure, vous me rendrez bien content. Il y avait dans sa bonne voix, dans ses yeux, un accent de conviction et de prière si persuasif qu'Angèle se sentit touchée et accepta. Elle serra cordialement les deux larges mains de Joseph, et ils restèrent ainsi un moment immobiles en face l'un de l'autre. Toussaint ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose qui lui brûlait les lèvres, mais après avoir balbutié, il se contenta de rougir et lâcha les deux mains de la jeune fille qui s'éloigna en renouvelant ses remerciements. Une fois en possession de la somme nécessaire, la Genevraie fit ses mal. Au moment de quitter Baie, il prit à part Angèle et sa mère. « Madame, dit-il à Madame Sénéchal, en bonne conscience, vous ne pouvez laisser votre fille moisir dans cette grenouillère. où elle se gâtera le teint et la voix. Le théâtre est sa vocation, et je vous répète que les comédiennes sont les reines du jour. Mademoiselle a un front digne de la plus belle couronne. Amenez-la à Paris. Je connais des directeurs qui seront trop heureux de l'engager. Pensez-y bien. Et vous aussi, ma toute belle. Un mot, et je serai à vos ordres. Foi de la Genevraie, la fortune de cet enfant-là est entre vos mains, madame. Souvenez-vous-en. Là-dessus, il partit, et Joseph Toussaint, qui du haut de sa fenêtre assistait à l'embarquement du Parisien, poussa un joyeux soupir quand l'omnibus tourna l'angle de la rue des Tanneurs. Les soucis de M. Sénéchal et le petit service que Joseph venait de lui rendre avaient encore plus étroitement attaché le brave garçon à ses hôtes de la rue de Savonnières. Le départ de René l'ayant rendu à ses habitudes casanières, il partageait ses soirées entre la lecture de Pascal et la conversation de l'ancien maître Claire. Celui-ci avait la nostalgie de ses paperasses, et chaque soir, il se faisait compter par Toussaint les moindres détails du train-train de l'étude biblique. De temps à autre, Angèle assistait à l'entretien, accoudée à la fenêtre et perdue dans une demi-rêverie. Joseph ne la quittait pas des yeux et s'évertuait à lui faire prendre une part active à la conversation. En présence de la jeune fille, sa langue se déliait. La disparition de la Genevraie lui avait rendu courage. Il lui semblait maintenant que la perspective des millions de Batavia reculait à l'horizon, tandis que ses espérances amoureuses sortaient de l'ombre et gagnaient du terrain. Ses yeux brillaient et sa verve ne tarissait plus. Mais, une fois Angèle partie, il redevenait taciturne, poussait de gros soupirs et répondait de travers aux questions de M. Sénéchal. Le bonhomme finit par s'apercevoir du trouble de Toussaint, et ses deux gros yeux ronds observèrent curieusement le jeune homme. Parfois alors, un rapide sourire illuminait la physionomie jadis si joviale du vieux clerc. Hé hé, pensait-il, Joseph sera-t-il féru d'amour pour Angèle? Si ce bonheur nous arrivait, il me semble que je me reprendrais à vivre. Mais le camarade est si timide. Il n'osera jamais parler tout seul. Il faudra que je le confesse un de ces soirs. Quant à Angèle, sa pensée, hélas, était à 100 lieues du pauvre Joseph. Heureuse de voir son père tiré d'embarras grâce auprès de Toussaint, elle s'était remise à bâtir des châteaux en Espagne. Même en supposant que la succession Morel ne tint pas toutes ses promesses, n'avait-elle pas dans son talent d'artiste un moyen de ramener le bien-être à la maison? Les éloges de la Genevraie ne lui sortaient plus de l'esprit. L'idée de devenir la providence et la gloire de la famille flattait sa vanité de 20 ans. La possibilité d'entrer au théâtre se présentait de plus en plus fréquemment à sa pensée. Dans les soirées de mai, quand lasse de s'être bleu les doigts en tirant l'aiguille, elle s'appuyait à sa fenêtre pour respirer le frais. C'était ses rêves de théâtre qu'elle voyait flotter dans les fumées des toits. Sous les rayons obliques du couchant, l'eau du canal ruisselait comme une ondoyante écharpe de pourpre. De l'autre côté de la ville vaporeuse, les vignes de la côte Notre-Dame se doraient d'un dernier coup de soleil, et dans le bleu du ciel, de légers nuages d'un rouge vif formaient à l'ouest une sorte d'auréole. Angèle contemplait cette vermeille illumination du soir et y croyait lire le présage de sa gloire future. « Les comédiennes sont les reines d'à présent, » avait dit la Genevraie. Et les cloches de la ville haute, dont les ondulations sonores se répandaient largement dans l'air, semblaient lui répéter « Tu seras reine !» Et les hirondelles, qui frisaient les murs de leur aile rapide, le lui redisaient avec leurs cris joyeux « Paris, Paris !» La célébrité, la fortune étaient là, et peut-être aussi l'amour. René des Armoises ne vivait-il pas à Paris? S'il devenait une grande actrice, ne pourrait-elle pas jouer les pièces de son poète? Elle serait de moitié dans sa gloire. La distance qui les séparait n'existerait plus. Et avec quelle joie Angèle déposerait toutes ses couronnes aux pieds du seul homme qui eût fait battre son cœur. Ses idées l'enfiévraient pendant le jour, et la nuit agitait son sommeil. Elle se relevait tout endormie, comme au temps de son enfance, alors que les drames représentés sous le petit théâtre de baie surexcitaient ses nerfs et déterminaient les accès de somnambulisme qui avait si fort effrayé M. Sénéchal. Cependant, les semaines passaient, et les héritiers Morel commençaient à s'impatienter lorsqu'arriva une lettre de la Genevraie, accompagnée d'une caisse contenant un magnifique bouquet de roustées et de gardiniers à l'adresse d'Angèle. Dans la lettre, la Genevraie annonçait qu'il avait commencé le siège de l'héritage. Mais, disait-il, ce sera long, très long. Nous nous heurtons au mauvais vouloir des ambassades. et le gouvernement hollandais n'entend pas raison. Et il faut s'armer de patience, car l'instance durera peut-être des années. » Puis il ajoutait, en manière de post-scriptum, « Répétez de ma part à Madame Angèle que ma botte de fleurs n'est qu'un piètre échantillon des bouquets qui pleuvront à ses pieds le soir de ses débuts au théâtre. Que nous chante-t-il donc avec ses bouquets et son théâtre ?» grogna M. Sénéchal d'un air de mauvaise humeur. « Peut-il maintenant faire de ma fille une baladine ? Non, d'une serpe, il ne manquerait plus que cela. Jetez-moi sa lettre au feu et ses bêtes de fleurs au fumier. »